إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وكنتني بإذن الله تعالى dans l'explication de Durus al-Muhimma, les Ammat al-Umma, les leçons importantes pour l'ensemble de la communauté, ce livre, et ce petit livret qui a été écrit par l'imam, Sheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi, et on avait commencé à expliquer certaines sourates du Coran, parmi elles, sourate al-Fatiha et sourate al-Zalzala. Et on avait commencé la dernière fois par le début de Al-Adiyat, hein, les coursiers. Et on va essayer d'expliquer yani, cette surah, plus trois autres, bi-idhnillahi ta'ala. Donc Al-Adiyat, wa Al-Qari'ah, wa Al-Takathur, wa Al-Asr, si Allah Azza wa Jal nous le permet. Donc la dernière fois, on avait vu Al-Adiyat. Al-Adiyat dhabha, fal-muriyat qadha. فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير كالله سبحانه وتعالى ونبي دي que dans cette sourate العظيمة merveilleuse, grandiose, importante Sourate Al-Adiyat, les coursiers, Allah subhanahu wa ta'ala y jure. Il jure dans cette sourate, et Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par ces créatures que sont les coursiers, yani les chevaux, comme on l'avait expliqué la dernière fois. Et on avait dit également qu'Allah subhanahu wa ta'ala jure par ce qu'il veut parmi ces créatures. Et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala jure par ces créatures dans l'Adiyat, quand il dit wal-Adiyati, hein, par les coursiers, qui allaitent, le fait qu'il jure par ses coursiers, eh bien ça montre le mérite et l'honorabilité de cette création. Qu'Allah Azza wa Jal, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala jure hein, de par cette créature. Et on avait dit également que, par contre, les créatures, elles, eh bien, n'ont le droit de jurer que par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci d'après la parole du prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, un hadith qui est rapporté par Ibn Umar radiyallahu anhuma qui est rapporté dans le Bukhari et Muslim Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت celui qui veut jurer qu'il jure par Allah ou qu'il se taise et d'après également les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك celui qui jure par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a certes mécru ou associé. Et ici, on avait expliqué que c'était de l'incroyance hein, et de, du polythéisme mineur. Donc on avait dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wal-'adiyati dhabha wal-'adiyati dhabha par les coursiers qui allaitent. Wa hadha qasamun minhu subhanahu wa ta'ala. On avait dit que ça, eh bien c'est un juron. Allah subhanahu wa ta'ala jure ici. Wal-'adiyati dhabha. Donc il jure par quoi ? Par ses chevaux qui galopent à toute vitesse. Sur ses chevaux, on avait dit qu'il y avait sur elle des combattants dans le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sur leur selle, hein, et qui endurent, et qui espèrent la récompense de leur Seigneur, tabaraka wa ta'ala, et dont la seule intention dans leur combat, c'est d'élever la parole d'Allah, azza wa jal, yani la ilaha illallah, que cette parole soit la plus haute. والعدو معروف وهو سرعة جريها متجهة إلى أماكن أعداء الدين أو أعداء دين الله تبارك وتعالى. Et le fait, يعني qu'elle galope ou qu'elle zalette, hein, qu'elle soit, يعني qu'elle sorte ce souffle là, c'est à cause du galop, à cause du fait, et bien qu'elles vont très rapidement et elles se dirigent vers les endroits où se trouvent les ennemis de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wad-dabh, on avait dit le fait qu'elles allaitent, eh bien c'est cette respiration, la respiration, hein, des chevaux quand ils vont vite. Quand ils vont vite, ils sortent une forme de son, tayyib, qui prouve, eh bien justement, que elles vont très vite et qu'elles sont en train de galoper. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala yaqul فالموريات قدحا qui font jaillir des étincelles. يعني أن حوافرها مع شدة جريها وعدوها وسرعتها عندما تلامس الأرض الصلبة أو الحصى ينقدح منها الشرر والنار. Ça veut dire quoi quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'ils font jaillir des étincelles, c'est-à-dire que leurs sabots, hein, à tel point qu'ils vont vite, ces coursiers, ces chevaux, et qu'ils sont au galop et à une vitesse incroyable, au moment où est-ce que leurs sabots touchent le sol, qui est dur, ou qu'elles touchent les pierres, eh bien cela fait sortir des étincelles et du feu de leurs sabots, à tel point qu'ils vont vite. وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَىٰ قُوَّتِهَا وَسُرْعَتِهَا وَقُوَّةِ انْطِلَاقِهَا لِمُلَاقَاتِ الْأَعْدَاءِ. Et ça, c'est une preuve, eh bien, de leur puissance. Le cheval, c'est un animal très puissant. C'est un animal qui est puissant et c'est un animal noble. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il l'évoque dans le Coran. Il l'évoque dans le Coran. Et ça prouve également, hein, sa vitesse de course pour faire sortir des étincelles de leurs sabots. Ça prouve, eh bien, que c'est un animal puissant et que c'est un animal qui va très très vite et qui est puissant dans le fait de se diriger vers les ennemis. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, فَالْمُغِرَاتِ صُبْحًا, qui attaque le matin. Qui attaque le matin. وَالْمُغِرَاتِ أَيْ عَلَى الْأَعْدَى, c'est-à-dire qui attaque, qui, bien entendu, les ennemis. وَصُبْحًا أَيْ وَقْتَ الصُبْحِ, au moment du matin. Et on avait dit que la plupart du temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il attaquait le matin. Et ça faisait partie, eh bien, en général, de la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'attaquer le matin. وَيُغِيرُ عَلَى الْأَعْدَى فِي هَذَا الْوَقْتِ. Donc il attaquait les ennemis ou ses ennemis au moment, lors de la matinée. Ensuite il dit فَأَثَرْنَا بِهِ نَقَعَى, فَأَثَرْنَا بِهِ نَقَعَى, et font ainsi voler la poussière. عِنْدَمَا تَأْتِي بِهَذِهِ الْقُوَّةِ وَهَذِهِ السُّرْعَةِ إلى حيث مكان الأعداء تثير الغبار في ساحة القتال من شدة العدو الذي كانت عليه حتى وصلت إلى ساحة القتال. Ici Allah subhanahu wa ta'ala dit et font ainsi voler la poussière. C'est-à-dire que au moment où est-ce qu'ils galopent avec force et avec puissance et avec rapidité vers l'endroit où se trouvent leurs ennemis, eh bien leurs sabots, en même temps qu'ils font lever des étincelles, hein, eh bien font lever également de la poussière sur le champ de bataille, de par leur grande, hein, vitesse, et de par leur galop, yani qui est extrêmement rapide, jusqu'à ce qu'ils arrivent au champ de bataille. Ensuite il dit, فَوَسَطْنَا بِهِ جَمْعَا أَيْ بِالْمُقَاتِلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهُوَ عَلَى مَتْنِهَا جمعاء أي جموع الأعداء، فتأتي منطلقة وتدخل بالمقاتل عليها في صفوف الأعداء حتى يكون منه بإذن الله تعالى الفتك بهم. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et il pénètre, hein, et il pénètre. Fawasatana bihi. Et il pénètre avec. Avec qui? Avec le combattant qui est sur lui, sur le cheval, qui est sur sa selle. Hein, le combattant dans le sentier d'Allah azza wa jal qui est sur sa selle. Et il pénètre où? Au centre de la troupe ennemie. Au centre des ennemis. Et elle se dirige vers ses ennemis et elle pénètre dans le centre de la mêlée et du rang des ennemis, avec sur son dos bien entendu, hein, son cavalier, jusqu'à eh bien, ce que bi'idhnillahi ta'ala, hein, il puisse les assaillir et les massacrer. Et les chevaux à l'époque, eh bien, c'était considéré comme des armes lourdes, hein. Ils font partie des armes lourdes avec lesquelles eh bien, tu peux percer, hein, tu peux percer l'ennemi. Et donc il pénétrait en plein milieu pour pouvoir eh bien, ouvrir une brèche et disperser les ennemis. Hada huwa al-qasam. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, hein, il jure par cela. Hein, il dit par les coursiers qui allaitent, qui font jaillir des étincelles, qui attaquent au matin et font ainsi voler la poussière et pénètrent au centre du groupe ennemi. Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par cela. Tayyib. Wa amma al-muqsamu alayhi. Et la raison pour laquelle Allah Azza wa Jal y jure, c'est quoi? C'est de montrer la situation de la personne. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal y jure, hein, ici par ces choses-là. Pour montrer ensuite la situation de l'être humain. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ensuite, إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُوتِ. L'homme est certes ingrat envers son Seigneur. Après avoir juré par toutes ces choses-là, Allah Azza wa Jal, il évoque la raison pour laquelle il a juré, et la raison pour laquelle il a juré, eh bien c'est que l'homme est ingrat envers son Seigneur. L'homme est ingrat envers son Seigneur. Wal kanud huwa al jahid lin ni'ma. L'ingratitude, c'est le fait d'être renégat et de renier les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a octroyé. Fa hadha halu al insan umuman. Et ça, c'est la situation en général de tous les gens, de l'être humain. Il est ingrat envers son Seigneur, tabaraka wa ta'ala. L'être humain, il est véritablement ingrat, il renie les bienfaits de son Seigneur. وَيَتَفَضَّلْ عَلَيْهِ رَبُّهُ بِأَنْوَاعِ النِّعَمْ وَصُنُوفِ الْمِنَنْ فَيَكُونُ كَنُودًا جَاحِدًا لِنِعْمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ عَلَيْهِ وَفَضْلِهِ وَمَنِّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَمُمْسِكًا شَحِيحًا بَخِيلًا لَا يُنْفِقُ وَلَا يَبْذُلُ مِمَّا أَتَاهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى إِلَّا مَنْ سَلَّمَهُ اللَّهُ وَنَجَّهُ. Allah subhanahu wa ta'ala nous gratifie et gratifie l'être humain de nombreux bienfaits, de toutes sortes de délices et de dons et de gratifications. Et malgré cela, eh bien, l'être humain est renégat et il est ingrat et il ne reconnaît pas les bienfaits de son Seigneur tabaraka wa ta'ala et sa grâce sur lui. Et au contraire, qu'est-ce qu'il fait l'être humain avec cette grâce et ces dons qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné? Eh bien, il les retient, il est avare et il est paresseux. Et il ne dépense pas dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne dépense pas de ce qu'Allah azza wa jal lui a donné. Et le dépôt qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, hein, pour voir qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent et ces biens qu'Allah azza wa jal nous a octroyés. Et en général, l'être humain, eh bien, il est avare et il ne donne pas. Et il craint la pauvreté en donnant, sauf celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a épargné et a sauvé de ses mauvaises caractéristiques. Ensuite, Allah azza wa jal, il dit wa innahu ala dhalika la shahid. Et pourtant il est, qui il est? C'est l'être humain qui est. Il est quoi? Il est témoin de cela. Hein? Ala dhalika la shahid. Ay shahidun ala nafsihi bi hadhihi as-sifa adh-dhamima wal khaslati al-mashina. C'est-à-dire qu'il est témoin, hein, contre lui-même, de quoi? Eh bien, d'avoir ces caractéristiques, hein, qui sont mauvaises. Le fait, eh bien, de ne pas dépenser dans le sentier d'Allah Azza wa Jal, et d'avoir des oursins dans les poches. Hein, quand tu mets ta main dans la poche, hop, ça pique, tu ressors juste la main. Tu ressors pas, un billet ou ne serait-ce même qu'une pièce. Hein? Sahih Hamla. Et ça, c'est quelque chose qui est général chez l'être humain. C'est quelque chose qui est global. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa innahu li hubbil khayri. Et pour l'amour des richesses, hein? Et les richesses, c'est quoi ici? C'est l'argent. La shadid, il est ardent. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il est témoin de cela, qu'il est avare, hein? Qui renie, et il est ingrat envers son Seigneur. Et pour l'amour des richesses, là, il est ardent. Pour donner, c'est difficile. Mais pour acquérir, c'est facile, il est ardent. Il fait tous ses efforts. Nafsuhu la taqna. Nafsuhu la taqna. Mahma utiya min al-mal. Yuhibbu al-mal hubban jamma. Kama akhbara bithalik Allah subhanahu wa ta'ala. Ay hubban shadidan. Law utiya min al-mal wadiyan. Latamanna an yakuna lahu wad akhar. Peu importe ce qu'on donne à l'être humain. Hein? L'être humain, il ne se suffit pas de ce qu'Allah Azza wa Jal lui a donné. Et il ne se contente pas de cela. Hein? Plus il a de l'argent, plus il en veut. Parce que l'être humain, il aime les richesses et les bienfaits, hein, d'un amour ardent. Il est ardent, son amour, il est ardent quant à aimer les richesses et les biens et à les accumuler. Et si on lui donne une vallée de biens, eh bien, il en voudra un autre. Il se contentera pas que de celui-là. Hein? Il y a un dicton qui dit, l'argent, il appelle l'argent. Hein? L'argent, il appelle l'argent. Plus tu as de l'argent, plus tu en veux. Plus tu as de l'argent, plus tu en veux. Tu as 1000, tu veux 2000. Tu as 10 000, tu en veux 20 000. Etc, etc. C'est comme ça que l'être humain, il est. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ça dans ses versets pour nous réprimander. Hein? C'est une réprimande. Par rapport, eh bien, à ces caractéristiques qui sont mauvaises. ثم نبه تبارك وتعالى على ما يعين العبد على النجاة من هذه الخصال والسلامة من هذه الصفات. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne les causes qui vont quoi? Qui vont nous aider à nous sauver et à nous prémunir contre quoi? Contre ces caractéristiques qui sont mauvaises et à nous défaire de ces caractéristiques. فقال سبحانه وتعالى أفلا يعلم. Ne sait-il donc pas? Qui ne sait pas? L'être humain, l'insan. Ne sait-il donc pas? إذا بعثر ما في القبور. Hein, que lorsque ce qui est dans les tombes sera bouleversé. هذا أمر جدير بالعبد أن يكون على ذكر له وعلم به. La personne doit être consciente et savoir et se rappeler de cela, hein, que lorsque les tombes seront bouleversées. Wa anna hadha al-juhud li ni'matillah wa hadha al-hubb lil-mal wal-inkiyab wal-inkibab alayhi wal-inshighal bihi amma khuliqa al-'abd li ajlihi wa ujida li tahqiqihi al-ma'al fihi ila anna hadha al-'abd sayamut thumma yub'atharu ma fi al-qubur. ويقوم الناس من قبورهم للمجازات وللمحاسبة. Donc la personne, elle doit être consciente et savoir et se rappeler, hein, que le fait de renier et le fait de renier les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait d'aimer et d'être assidu à acquérir les richesses et les biens et à s'occuper uniquement de ces richesses et de ces biens, et que ces biens et ces richesses l'occultent et l'occupe de ce pourquoi l'être humain a été créé, eh bien, qu'il sache que sa demeure et sa finalité, eh bien, que l'être humain, il va mourir. L'être humain, il va mourir. Et ce qui se trouvera dans les tombes, puisqu'on va mettre l'être humain dans sa tombe, eh bien, sera bouleversé. Et il se lèvera et sera ressuscité de sa tombe afin d'être récompensé et afin de rendre des comptes. Donc ça aide l'être humain à se rappeler, à ne pas être ingrat et à se défaire de ses mauvaises caractéristiques, qu'il est le fait de ne pas dépenser dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala et de ne pas dépenser de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala eh bien t'a donné. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa hussila ma fi as-sudur, et que sera dévoilé ce qui est dans les poitrines. Et ça également, c'est une cause qui t'aide à délaisser ces mauvaises caractéristiques. Hein? Le fait de savoir que ce qui est dans les tombes sera bouleversé et ce qui est dans les poitrines sera dévoilé. Et yuhassalu fi dhalika al-yawm man tawat alayhi liyujaza al-'abdu 'ala ma kana alayhi min shuhhin wa bukhl. C'est-à-dire que ce qui est dans les poitrines sera apparent au grand jour, afin eh bien que l'homme soit rétribué, hein, par rapport à ce qu'il avait dans sa poitrine et par rapport à ses caractéristiques, le fait d'être avare et de ne pas vouloir dépenser et cette ingratitude et autres parmi, hein, les choses qu'il contenait dans son cœur et ses mauvaises caractéristiques qu'il avait dans sa poitrine. Et ça aide justement à les délaisser. Si tu sais pertinemment et tu sais consciemment avec certitude que ta demeure sera la tombe et que tu seras ressuscité et que tu auras des comptes à rendre par rapport à ça, bi'idhnillahi ta'ala, eh bien ça va t'enlever bi'hawlillah ces caractéristiques. Ensuite Allah Azza wa Jal, il dit inna rabbahum bihim yawma idhil la khabir. Et ce jour-là, certes, leur Seigneur sera parfaitement connaisseur d'eux. Ay muttali'un ala a'malihim adh-dhahirati wal batina. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala sera parfaitement informé et sera parfaitement avisé des actes apparents ou intérieurs, secrets ou évidents, et qu'il les rétribuera pour leurs actes, qu'ils soient apparents ou cachés. Inna rabbahum bihim yawma idhil la khabir. Et ce jour-là, certes, leur Seigneur, tabaraka wa ta'ala, sera parfaitement connaisseur d'eux. Wa al-khabir huwa ismun min asma'illahi subhanahu wa ta'ala. Al-khabir, hein, parfaitement connaisseur, c'est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un des noms parmi les noms d'Allah azza wa jal. Wa huwa, yani ma'na hadha al-ism, huwa al-alim bi bawatini al-umur wa khafaya al-ashya'. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a la connaissance des choses cachées aussi clairement qu'il a connaissance des choses apparentes. Tu ne peux rien cacher à Allah azza wa jalla. Ce qui est caché, hein, il est aussi clair pour lui que les choses apparentes. Il les sait comme les choses apparentes. Tu ne peux rien cacher à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, ce n'est pas parce que c'est dans ta poitrine que tu peux le cacher à Allah jalla wa ala. Et c'est pour cette raison, eh bien, que le fait de lire cette sourate et de l'apprendre et de connaître son explication, eh bien ça aide à délaisser ces mauvais caractères bi'idhnillah ta'ala. Thumma yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala bismillahir rahmanir rahim al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yawma yakunu an-nasu kal farash al-mabthuth wa takunu al-jibalu kal 'ihn al-manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله سبحانه وتعالى il dit في سورة القارعة le fracas, hein? Le fracas en français avec la traduction bien entendu approximative, il dit le fracas. Et qu'est-ce que le fracas? C'est le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés, et les montagnes comme de la laine cardée. Quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont la balance sera légère, sa mère, yani sa destination, est un abîme très profond. Et qui te dira ce que c'est? C'est un feu ardent. Al-Qari'a, mal-Qari'a. Al-Qari'a, hada. اسم من اسماء يوم القيامه. القارعه c'est un des noms du jour de la résurrection. On avait dit que le jour de la résurrection il avait plusieurs noms, le yawm al-akhir, hein, yawm al-qiyama, al-qari'a, parmi, hein, ces noms là وقد تعددت اسماؤها لتعدد صفاتها. Et les noms de ce jour là ont été multipliés du fait, eh bien, de la multiplication des caractéristiques et de la description de ce jour-là. C'est pour ça que ce nom, il a plusieurs jours. Hein? Il a plusieurs noms, pardon. Ce jour, il a plusieurs noms. فَهِيَ أَعْلَامٌ وَأَوْصَافٌ. C'est-à-dire, en fait, ces noms, ce sont des signes, hein, et des comme des caractéristiques qui caractérisent ce jour-là. لأنها دالة على أوصاف عظيمة لذلك اليوم. Pourquoi? Parce qu'elle montre des caractéristiques importantes qui se passeront ce jour-là. والقارعة أي التي تقرع القلوب والأسماع من هول شدتها وعظم خطبها. القارعة, le fracas. Le fracas, c'est-à-dire qu'elle va fracasser les cœurs. Ce jour-là, les cœurs seront fracassés. Et l'ouïe également, de par la terreur et la rudesse qui va régner ce jour-là. Et de par l'importance de la gravité de cette affaire qui se produira ce jour-là. C'est pour cette raison que Allah Azza wa Jal est al-qari'a. Parce que ce jour-là, eh bien, les cœurs seront fracassés. Et les ouïes seront fracassées. De par, comme j'ai dit, la rudesse et la terreur qui va régner ce jour-là. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, mal qari'a. Wa ma adraka mal qari'a. Qu'est-ce que le fracas? Et qui te dira qu'est-ce que le fracas? هذا استفهام للتهويل وبيان عظم ذلك اليوم وأنه يوم عظيم ويوم شديد. Ici Allah subhanahu wa ta'ala pose une question, deux questions. Qu'est-ce que le fracas et qui te dira ce qu'est le fracas? Pourquoi il pose ces questions? C'est des questions d'intimidation et de menace. C'est des questions d'intimidation et de menace. Et pour expliquer, pour montrer l'importance et la gravité de ce jour-là. Et pour montrer que ce jour-là sera rude. Pour montrer que ce jour-là sera rude. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite il nous donne, il nous explique. Il pose la question et il donne la réponse. Pour justement attirer l'attention du lecteur, de celui qui écoute. Si tu poses une question, la personne elle va être plus encline à porter son attention. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala pose la question pour que la personne eh bien suive et attende la suite. Al-qari'a, mal qari'a, wa ma adraka mal qari'a. Quand la personne on lui dit le fracas, qu'est-ce que le fracas? Et qui te dira qu'est-ce que le fracas? La personne eh bien elle attend la suite. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul yawma yakunu an-nasu kal farashi al-mabthuth. C'est le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés. فذلك اليوم تكون حال الناس في مواجان بعضهم ببعض واختلاط بعضهم ببعض كالفراش عندما ينتشر ويموج بعضه في بعض وهو نظير قوله تعالى في الآية الأخرى كأنهم جراد منتشر. الجراد المبثوث, c'est-à-dire que les gens ce jour-là seront dans une situation d'agitation, ils seront agités. Ils seront agités les uns sur les autres, ils seront mélangés les uns avec les autres comme les papillons qui déferlent comme des flots les uns sur les autres. Tu as vu les papillons, des fois il y a des papillons qui sortent tous d'un coup. Et ils sont, il y a aucune programmation, c'est-à-dire ils ne vont pas. Chacun va dans un sens. Chacun va dans un sens. Tu en vois un à droite, un à gauche. Et ils sont éparpillés. Et bien Allah subhanahu wa ta'ala, il donne l'exemple de ces papillons-là. Il n'y en a aucun qui va vers la même direction. Et l'équivalent de ce verset, il est dans un autre verset, fi surat al-Qamar, où est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ils seront comme des sauterelles éparpillées. Pareil, quand les sauterelles, elles sortent toutes d'un coup, eh bien, elles s'éparpillent. Il y en a une qui saute par ici, une autre qui saute par là, à droite, à gauche, devant, derrière, il y en a partout. Et elles ne se dirigent pas vers la même direction. Et les gens, eh bien, ce jour-là, seront pareils à cela. Seront pareils à cela. Ils seront agités. Ils seront mélangés. Watakounul jibal. Et ensuite, il dit également, les montagnes seront, ayyassum as-silab. القوية المتماسكة المتينة كالعهن المنفوش. يعني ces montagnes qui sont à l'accoutumée solides, dures, puissantes, consistantes, qui sont fermes, eh bien, ils seront comme quoi? Comme de la laine cardée. Et qu'à souf, elle mendouf. فأصبح بعد ندفه كوما لكنه غير متماسك بحيث لو هب هواء يسير تلاشى فتذهب عن تلك الجبال صلابتها وقوتها. Elles seront comme de la laine cardée, c'est-à-dire que après leur dureté, leur puissance, leur fermeté, leur consistance, elles seront comme de la laine qui n'est pas cousue, qui au moindre vent, eh bien, s'envole. De sorte que, au moindre petit courant d'air, eh bien, elles s'éparpilleront. Elles seront comme ça, les montagnes. Alors qu'elles étaient dures, puissantes. Et ça, c'est une des caractéristiques du jour de la résurrection. Malgré, eh bien, leur puissance, leur force, leur fermeté, leur solidité, leur dureté, eh bien ce jour-là, elles seront, au moindre coup de vent, eh bien elles s'éparpilleront. Les montagnes seront éparpillées. ثُمَّ بَيَّنَ حَالَ الْإِنسَانِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ. Et après cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il montre la situation de l'être humain. Il montre la situation de l'être humain. Et l'être humain, il sera de deux catégories. Allah Azza wa Jal yaqul fa'amma man thaqulat mawazinuhu. Quant à celui dont la balance sera lourde. Ça c'est la première catégorie. يعني رجحت بالحسنات والطاعات وأنواع القربات. C'est-à-dire qu'elle sera lourde, et que le poids des bonnes actions et de l'obéissance et de toutes sortes de rapprochements fera pencher la balance de son côté. فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ. Celui-là, eh bien, il sera dans une vie agréable. أي فِي جَنَّةِ الْخُلْدِ. C'est-à-dire qu'il sera au paradis éternel. نَسْلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَجَعَلْنَا مِنْ هَؤُلَا فِي نَعِيمٍ مُقِيمٍ لَا يَحُولُ وَلَا يَزُولُ أَبَدَ الْآبَادِ. Il sera dans des délices éternels, continus, qui ne changent pas et qui ne disparaîtront jamais. فَقَرِيرَةٌ عَيْنُهُ بِمِنَّةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَيْهِ وَفَضْلِهِ جَلَّ فِعُلَهُ رَاضِيَةٌ. Et son œil sera rafraîchi et sera satisfait de parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aura gratifié de dons, de grâces et de bienfaits. ولهذا جاء في الحديث الصحيح إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله سبحانه وتعالى تريدون شيئا أزيدكم. C'est pour cette raison qu'il est rapporté également dans un hadith صحيح qui est rapporté par Imam Muslim dans صحيح. Quand les gens du paradis entreront au paradis, Allah Azza wa Jal dira: voulez-vous une autre chose pour que je vous la rajoute? فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار. Alors ils diront, les gens du paradis diront à Allah subhanahu wa ta'ala: ô Seigneur, n'as-tu pas éclairci, n'as pas-tu blanchi nos visages? Et ne nous as-tu pas fait rentrer au paradis? Et ne nous as-tu pas préservé, sauvegardé et sauvé du feu? Et donc il pose la question, yani, qu'est-ce qu'il y a mieux que ça? Qu'y a-t-il de mieux que ça? فَقَالْ فَيَكْشِفُ الْحِجَابِ فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ جَلَّ وَعَلَى. Ensuite il dira, et découvrira le voile, et il ne leur sera pas donné une chose préférable et plus aimée à leurs yeux que le fait de voir leur Seigneur tabaraka wa ta'ala. Ja'alana Allahu ajma'in minhum bimannihi wa karamihi. Wa amma as-sinfu ath-thani, al-qismu ath-thani, ففي قوله سبحانه وتعالى وأما من خفت موازينه. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est quant à celui dont la balance sera légère. أي بالسيئات والمعاصي والذنوب. Sera légère, hein, avec quoi? Avec les péchés, avec les désobéissances. فأمه هاوية. Celui-là, sa mère, sa destination est un abîme très profond. أي أن النار هي مأواه وهي مكانه. C'est-à-dire que le feu sera son refuge et l'endroit de destination de cette personne-là. وَقِيلَ أُمُّهُ. Et il est dit également sa destination, أُمُّهُ, le mot أُمُّهُ, sa mère. أي رَأْسُهُ هَاوِيَا. C'est-à-dire son visage. Hein, son visage. أي يَهْوِي عَلَى رَأْسِهِ فِي النَّارِ. C'est-à-dire qu'il sera jeté, hein, et, avec son visage en premier, dans le feu. وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ. Ou sa tête. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَا. Allah Azza wa Jal, il dit وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَا. Et qui te dira ce que c'est. Et هذه الهاوية تعظيم لأمرها وبيان لخطورتها. Qui te dira ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Eh bien que cet abîme très profond. Ça c'est pour montrer sa gravité. Hein? La gravité de cette affaire-là. Et pour montrer les dangers de cet abîme très profonde. C'est pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il pose cette question. Ensuite, il dit نَارٌ حَامِيَةٌ أي نَارٌ شَدِيدَةٌ مُحْرِقَةٌ. C'est-à-dire que c'est un feu rude, brûlant, ardent. وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالْ نَارُكُمْ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمْ أَعَاذَنَ اللَّهُ مِنْهَا. Il est rapporté dans le hadith authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que votre feu-ci, hein, de cette vie mondaine, de cette vie d'ici-bas, n'est qu'une partie des 70 parties du feu de l'enfer. N'est qu'une partie des 70 parties des feux de l'enfer. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve. Ensuite, il passe à Surat al-Takathur. La course aux richesses. يقول الله عز وجل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ألهاكم التكاثر. Allah Azza wa Jal, il dit, la course aux richesses vous distrait. Ay ashghalakum wa ja'alakum tamdhuna fi hadhihi al-haya fi ghaflatin mustamirra. La course aux richesses vous distrait. C'est-à-dire que ces richesses vous ont occupé et ont fait que vous cheminez dans cette vie d'ici-bas dans une distraction continue. التكاثر, ce sont les richesses. الهاكم التكاثر. التكاثر, ce sont les richesses. أي طلب, طلب ما يتكاثر الناس به من مال وتجارة ومساكن ومركوبات وولد وغير ذلك مما يقصد منه المكاثرة كل واحد للآخر. Les richesses, c'est que les gens aiment voir se multiplier chez eux, hein? Comme l'argent, comme le commerce, comme les habitations, comme les montures, comme les enfants et autres, parmi les choses que les gens aiment avoir, hein, de façon multipliée, de façon nombreuse. فَأَشْغَلَكُمْ هَذَا التَّكَاثُرْ عَمَّا خُلِقْتُمْ لِأَجْلِهِ وَأُوجِدْتُمْ. Et ces richesses, elles vous ont occupé concernant, eh bien, l'affaire pour laquelle vous avez été créé. Et l'affaire pour laquelle Allah Azza wa Jal vous a créé afin de la concrétiser, qui est son adoration. Allah Azza wa Jal, il nous a créé à la base pour l'adorer. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ illa liya'budun. Je n'écris les djinns et les hommes que pour m'adorer, que pour m'unifier dans mon adoration. Et ça, c'est la cause principale pour laquelle Allah, Jalla wa Ala, à la base nous a créés. Mais les richesses ont détourné la plupart d'entre nous, hein, et les ont distraits quant à ce but principal pour lequel Allah Azza wa Jal nous a créés. Et ça, malheureusement, c'est la situation d'énormément de personnes et d'êtres humains. « Inshagalu bima khuliqu, bima khuliqa li ajlihim, amma khuliqu hum li ajlihi, wa huwa ibadatullah. » Ils ont été occupés, hein, par la chose qui a été créée pour eux. Hein? Et ils se sont détournés de la chose pour laquelle eux, ils ont été créés, qui est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal a créé les richesses pour nous. Et on s'est occupé de ces richesses, mais on s'est détourné de la chose pour laquelle Allah Azza wa Jal nous a créé, qui est son adoration unique. Subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah Azza wa Jal dit Hatta zurtumul maqabir. La course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Yani jusqu'à la mort. Ay istamarrat halukum fi hadha al-inshighal wa hadha al-lahw hatta muttum wa udkhiltum al-qubur. Wa udkhiltum al-qubur. C'est-à-dire que votre situation a perduré, hein, et cette distraction et ce divertissement a perduré jusqu'à ce que vous mouriez et que vous soyez entré dans les tombes. Wa hiya halu kathiri min al-nas. Et ça, c'est wallahi la situation de beaucoup de personnes, d'énormément de personnes. Beaucoup de personnes, ils occultent complètement la chose pour laquelle Allah Azza wa Jalla les a créés. Et ils s'occupent de quoi? Ils s'occupent des richesses et d'amasser des biens. Comme si ces biens, ils allaient les prendre avec eux dans la tombe. Hein? Comme si ces biens, ils allaient les prendre avec eux dans la tombe. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, hein, il y a trois choses qui suivent l'enfant d'Adam, hein, jusqu'à sa tombe, deux reviennent et une reste avec lui. Hein, sa famille, voyez, ses biens et ses œuvres. Deux reviennent, c'est sa famille et ses biens, et c'est ses œuvres qui restent. Voyez, et ses œuvres, c'est quoi? C'est l'adoration d'Allah Azza wa Jal, unique, sans associé. Mais nous, on pense que on va ramener avec nous les biens, l'argent, les maisons, les voitures. Et c'est pour cette raison que vous regardez dans les peuples précédents, quand ils étaient enterrés avec leurs biens. Même avec leurs esclaves, ils les tuaient et ils les mettaient avec eux. Ils pensaient qu'ils allaient ressusciter avec, et ils allaient dans l'au-delà avec ces biens-là. Avec des bracelets, avec des couronnes, avec des trésors, avec des chevaux, avec des chars, etc. etc. Hein? Et ils ramenaient toute leur suite, et les meilleurs habits, et des offrandes, et de la nourriture. Mais ça, en réalité, Allah Azza wa Jalla nous informe que ça, ça ne va pas rester. Et ces richesses, elles nous distraient, elles nous occultent sur la chose pour laquelle Allah Azza wa Jalla nous a véritablement créés, qui est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que c'est cette adoration, hein, et ces œuvres-là qui découlent de cette adoration qui vont, eh bien, nous être utiles. Et non les richesses. فَتَجِدُ الْوَاحِدْ مِنْهُمْ في لهث وراء هذا التكاثر حتى يموت. Et tu vois en réalité, et ça on le voit, combien de personnes du matin au soir, il est occupé à quoi? À rechercher les biens. Il est avide, assidu, ardent quant à, eh bien, rechercher les biens. Il court à droite à gauche. Hein? Sahih Hamla. Il court à droite à gauche. Hein? S'il y a un bien à chercher, je ne sais où, aux en Amérique, voilà, dans un autre endroit en Chine, il y va. Mais s'il y a une adoration à faire ou un rappel à écouter, là tu le vois le plus paresseux. Tu le vois, c'est le plus paresseux. Hein? Mais pour les choses de la vie mondaine et les richesses et accourir aux richesses, tu le vois, et bien c'est le premier. Hein? Et ça, wallahi, c'est la situation d'énormément de personnes. La plupart des gens, ils sont comme ça. Sauf à qui Allah subhanahu wa ta'ala a épargné cela. Les obligations, on ne les fait même pas. Après, on veut libérer le Quds. Hein? Les gens, pour les manifestations, par exemple, ils sont des milliers, les musulmans, ils sont des milliers, hein, pour sortir dans des manifestations qui sont interdites. Hein? Sahih, Hamla. Ils sont des milliers à sortir pour faire des manifestations qu'Allah Azza wa Jal n'a jamais déchiffré ni son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais pour les choses obligatoires comme salat subh, il n'y a même pas pour remplir un rang. Même pas pour remplir un rang. Hein? Et ça, c'est une obligation qui incombe à chaque musulman. Taïb. Et après, on veut libérer Al-Quds. Déjà, on doit se réformer. Allah Azza wa Jalla yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas, hein, leur propre personne en premier lieu. Hein, tu ne vas pas changer le monde en faisant des manifestations. Change-toi, réforme-toi, applique le tawhid. Toubil Allah subhanahu wa ta'ala. Repends-toi à Allah subhanahu wa ta'ala. Fais ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné et que son messager sallallahu alayhi wa sallam t'a ordonné. Applique la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Délaisse les innovations. C'est comme ça que tu pourras libérer le Quds. Hein? Invite au tawhid. Blâme le shirk. Fais-le connaître aux gens. C'est comme ça que les choses elles vont changer. C'est pas en faisant des manifestations ou je ne sais quoi d'autre, ou en mettant sur son profil, hein, la photo de l'Quds. C'est pas ça qui va changer les choses. Ce qui va changer, c'est ton adoration, c'est d'adorer Allah Azza wa Jal, de revenir à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, de se cramponner au livre d'Allah Azza wa Jal. C'est ça qui va changer les choses. C'est pas, hein, des manifestations ou je ne sais quoi, ou la course aux richesses, hein, etc. Al-Muhim, tu trouves beaucoup de gens qui, jusqu'à leur mort, courent après les biens et les richesses. Courent après les biens et les richesses. Jusqu'à ce qu'ils meurent. Jusqu'à ce qu'ils meurent. وَمِنْ ثَمَّ يُدْرَجُ فِي قَبْرِهِ. Et après cela, eh bien, il est posé dans sa tombe. Il est posé dans sa tombe. وَسُمِّيَ هَذَا الدُّخُولِ لِلْقُبُورِ زِيَارَ. Allah Azza wa Jal, il dit ici, hein, jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Pourquoi il a appelé le mot, il a appelé le fait de rester dans sa tombe une visite. Hein? Pourquoi? Parce que la tombe, c'est un endroit qui est intermédiaire entre cette vie d'ici-bas et l'au-delà. Hein? Wa barzakh bayna ad-dunya wal-akhirah. C'est un monde intermédiaire entre cette vie d'ici-bas et la vie de l'au-delà. Wa huwa ma'barun ila ad-dar al-baqiya. Et c'est un passage, c'est un couloir que la personne elle emprunte afin et bien d'accéder à la vie éternelle. Wa yadkhuluhu al-mayyit dukhul az-zair. Et cette tombe, le mort y entre comme un visiteur. Comme un visiteur. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas perdurer dedans. Tu restes un moment et tu pars. Et donc il va visiter cette tombe, hein, et ensuite il va être déplacé de cette tombe jusqu'à la demeure dernière. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il dit kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Mais non, vous saurez bientôt. Kalla hadha zajar. An hadhihi al-hal wa hadhihi as-sifa. Ici Allah subhanahu wa ta'ala quand il dit mais non. Ici ce mot là c'est une réprimande pour cette situation qui est le fait d'accourir aux richesses. Hein? C'est une réprimande, hein, contre le fait de faire la course aux richesses. En vérité, Allah Azza wa Jal yaqul laysa al-amru kama antum mushtaghilin bihi min takathur wa ghafla sawfa ta'lamun. En fait, c'est comme si Allah Azza wa Jal dit en réalité l'affaire c'est pas comme vous êtes, c'est-à-dire occupé à amasser des biens et dans la distraction et dans le diversement. Non, mais vous saurez bientôt. Vous saurez bientôt c'est quoi la véritable situation et la véritable affaire. أي إذا أدخلتم القبور ورأيتم عاقبة العمل حسنه وسيئه. C'est-à-dire que vous serez bientôt, quand vous allez entrer dans cette tombe, hein, et que vous verrez le résultat et les conséquences des œuvres, qu'ils soient bons ou mauvais. Là, vous allez bientôt savoir. Et Allah Azza wa Jalla dit, vous allez bientôt savoir. Bientôt, ça prouve que la vie, en vérité, elle est courte. Ça prouve que la vie de l'être humain, elle est extrêmement courte. Et que la personne, elle ne doit pas rester dans la distraction, et dans l'amusement, et dans le divertissement. Qu'Allah Azza wa Jalla nous guide. ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ. Ensuite, Allah Azza wa Jalla, il répète, تَأْكِيدٌ لِهَذَا الْأَمْرِ وَبَيَانٌ لِعِظَمِ هَذَا الشَّأْنِ. Allah subhanahu wa ta'ala, il répète pour confirmer la gravité de cette affaire. Et pour montrer que, cette affaire dont il traite dans ce verset, elle est très très importante. Elle est très très grave. Ensuite, il dit كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينَ. كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينَ. Il dit, mais non, vous saurez bientôt. Et encore une fois, vous saurez bientôt. Pour montrer la gravité. Ensuite, il dit, sûrement, si vous saviez de science certaine. Et لَوْ كَانَ عِنْدَ الْإِنسَانِ عِلْمُ الْيَقِينَ بِهَذَا الْمَآلِ وَهَذَا الْمَصِيرِ لَمَا أَلْهَاهُ التَّكَاثُرِ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la personne avait une science certaine de sa destination, hein, et de ce qu'il va retrouver, certainement il n'aurait pas été occupé à courir après les richesses. Si véritablement il savait. Hein, s'il avait la science certaine. وَلَمَا أَشْغَلَهُ عَمَّا خُلِقَ لِأَجْلِهِ وَأُوْجِدَ لِتَحْقِقِهِ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Et il n'aurait pas été occupé, hein, et détourné de la chose pour laquelle il a été créé, qui est l'adoration d'Allah Azza wa Jal, et le fait de concrétiser l'obéissance de son Seigneur, Tabaraka wa Ta'ala. Ensuite, Allah Azza wa Jal dit, لَتَرَاوُنَّ الْجَحِيمِ. لَتَرَاوُنَّ الْجَحِيمِ. Vous verrez certes la fournaise. Vous verrez certes la fournaise. أي لتريدن القيامة ولتراؤن الجحيم التي أعدها الله للكافرين. Vous verrez la fournaise, c'est-à-dire que chacun verra la fournaise, hein, puisque on va tous passer sur le pont Sirat, hein, et on verra la fournaise qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparée aux mécréants, à ceux qui ne croient pas en Allah azza wa jal, et en ses versets et en ses prophètes, etc. والجحيم هي النار يؤتى بها يوم القيامة. الجحيم, la fournaise, c'est le feu qu'on ramènera et qu'on amènera le jour de la résurrection vers la terre du rassemblement, vers l'endroit et le lieu de rassemblement. كما في الحديث يؤتى بجهنم. Écoutez ce hadith. Allah, le prophète صلى الله عليه وسلم, il dit يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها. Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ce jour-là, l'enfer sera ramené à l'aide de 70 000 cordes. Et chacune de ces cordes tenue par 70 000 anges qui la tirent. Hein? 70 000 anges tirent une seule corde. Et il y a 70 000 cordes. On peut même pas s'imaginer. Hein? Fa yu'ayinunaha wa yushahidunaha. Et de là, les gens, vont la voir avec leurs propres yeux. Et ils vont témoigner, attester, véritablement, et la voir. C'est pour cette raison qu'Allah Azza wa Jalla dit la tara'unna al-jahim. Vous verrez certes la fournaise. ثم لترونها عين اليقين اي تعاينونها حقيقه بابصاركم وذلك يوم القيامه يوم يقف الناس بين يدي الله تبارك وتعالى. Ensuite Allah Azza wa Jalla dit, et puis vous la verrez certes avec l'œil de la certitude. Comme on a dit, ils la verront véritablement avec leurs yeux, hein, ils verront la fournaise avec leurs yeux, et ça, ce sera, comme on l'a dit, le jour de la résurrection. Les gens, se tiendront debout devant Allah subhanahu wa ta'ala pour rendre des comptes. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit thumma la tus'alunna yawma idin 'anil na'im. On va terminer avec ça. Thumma la tus'alunna yawma idin 'anil na'im. Puis assurément vous serez interrogés ce jour-là sur les délices. Ay yas'alukum Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala va vous questionner. Le jour de la résurrection, sur les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal vous a donnés dans cette vie d'ici-bas, ici. Et ces bienfaits comprennent les bienfaits de l'argent, des biens. Et également la santé. Et également les enfants qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné et comment les avez-vous élevés. Wa ni'matul markab, également les montures qu'Allah Azza wa Jal vous a octroyées et comment les avez-vous utilisées. Est-ce que vous les avez utilisées pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, pour l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala ou pour ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit et pour sa désobéissance. Wa ni'matul maskan, également pareil, les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal vous a donnés par rapport aux habitations. Hatta al-ma al-barid, même l'eau froide, l'eau fraîche, Allah Azza wa Jal va nous questionner sur l'eau fraîche le jour de la résurrection. Comme a dit le hadith, alladhi akhrajahu at-Tirmidhi wa al-Hakim 'an Abi Hurayra radiyallahu anhu, un hadith qui a été authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah, yani awwal ma yus'alu 'anhu yawm al-qiyamah, yani al-'abd min al-na'im an yuqala lahu alam nusihha laka jismak wa nuriyaka min al-ma al-barid. La première des choses sur laquelle, parmi les bienfaits qu'Allah Azza wa Jalla a octroyé aux serviteurs, sur lesquels il sera questionné, on lui dira est-ce que nous ne t'avons pas donné la santé dans ton corps et est-ce que nous ne t'avons pas abreuvé d'eau fraîche. Et ça, c'est même l'eau fraîche, on sera questionné dessus. وَهَذَا فِيهِ التَّنْبِيهِ عَلَى مَا صُدِّرَتْ بِهِ السُّورَةِ. Et ici, eh bien, Allah Azza wa Jal, dans ce dernier verset, il attire l'intention par rapport au premier verset par lequel il a commencé. Al-haakum al-takathur. La course aux richesses vous a distrait. Vous a distrait et sachez que vous serez questionné sur ces richesses qu'Allah Azza wa Jal vous a octroyées et qui vous ont distrait de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la chose pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala vous a créer cet argent qu'Allah Azza wa Jal vous a donné. Est-ce que vous avez remercié celui qui vous l'a octroyé? Est-ce que c'est bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné? Est-ce que vous lui avez donné son droit à celui qui vous a octroyé cela? Est-ce que vous êtes revenu vers lui? Est-ce que vous vous êtes dirigé vers votre Seigneur? Est-ce que vous avez adoré votre Seigneur pour les biens qu'il vous a octroyés? Est-ce que vous êtes préparé pour sa rencontre le jour où est-ce que vous allez le rencontrer? C'est comme si Allah Azza wa Jalla nous disait prenez garde que justement ces richesses ne vous détournent de la chose pour laquelle il vous a créé, son adoration. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.